La tasse du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre case du week-end. Merci d'écouter Phil FM et Radio Antigone. Nous sommes partis pour 2 heures d'émission en direct, dans la joie et la bonne humeur. J'espère que tout va bien chez vous. Peut-être venez-vous de vous lever, peut-être avez-vous profité de la dernière grasse matinée avant eh bien de reprendre le travail demain, oui. Peut-être l'avez-vous déjà repris. Bon courage à vous, en tout cas, d'autant plus si vous travaillez un dimanche. On va essayer eh bien de vous informer, de vous faire rire et d'écouter de la bonne musique tous ensemble avec un beau programme. Comme d'habitude, bah oui, on va pas faire autrement. On a les sorties cinéma qui arrivent dans moins de 5 minutes sur Radio Antigone et sur Phil FM. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, nous allons parler, bien sûr, économie. Et oui, économie. Alors, je n'ai plus le sujet. C'est bien, l'émission commençait bien. Et là, rip, c'est fini. Alors, on va reprendre très très tranquillement le programme économique. RFI est toujours en vacances, donc on vous propose des chroniques qui concernent les fiascos industriels. Différentes séries proposées par RFI cet été à la place de la chronique économique et notamment ces fiascos industriels. On continue aujourd'hui, avant le retour la semaine prochaine normalement des inédits normaux, avec eh bien la poire de Renault. C'est comme ça qu'est intitulée la chronique, la poire de Renault. C'est une voiture en 1976 et ça ne s'est pas très très bien passé pour cette voiture. On en parle tout à l'heure à 10h23. Il y aura aujourd'hui les actus du numérique, pardon, juste après le flash de 10h30, l'éphéméride à 10h45 et puis bien sûr une chronique médiatique tout à l'heure, juste avant 11h, heure à laquelle nous écouterons d'ailleurs un classique musical, le classique musical le premier de cette émission. Eh bien, il s'agit de celui-ci. Genesis Land of Confusion arrive sur Radio Antigone dans moins d'une heure. Nous écouterons également dans quelques minutes le premier Adele de son nouvel album sorti il y a déjà presque un an avec Easy on Me. Oh, qui a fait son retour l'année dernière sur ce titre que nous allons donc écouter sur Radio Antigone. Et puis un autre retour que nous écouterons aussi, celui de Stromae, également à la même période, avec Santé. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Mais pour l'instant donc, avant les sorties cinéma, voici Izia, un titre sorti en 2014, So Much Trouble. Everybody knows each other. Thank you. everybody wants to play. Merci d'écouter Radio Antigone, Isia à l'instant, c'était So Much Trouble. Et il est l'heure des sorties cinéma tout de suite. Les sorties cinéma. Les sorties du mercredi 31 août 2022, dernier jour d'août. Et nous commençons avec le film Avec amour et acharnement qui raconte l'histoire de Jean et Sarah qui vivent ensemble depuis 10 ans. Ils se sont rencontrés et à l'époque, eh bien, Sarah partageait la vie de François, le meilleur ami de Jean et son grand admirateur à l'époque où Jean jouait en rugby professionnel. Jean et Sarah s'aiment, mais un jour, eh bien, cette fameuse Sarah aperçoit François dans la rue. Il ne la remarque pas, mais elle est submergée par la sensation que sa vie pourrait soudainement changer. Pour la première fois depuis des années, François reprend contact avec Jean et lui propose de retravailler ensemble. Une spirale incontrôlable se déclenche donc à ce moment-là, un triangle amoureux, nous dit Allociné. Avec amour et acharnement, un long métrage de Claire Denis produit par Curiosa Film, c'est en salle dès mercredi. Un autre film à présent, cette fois-ci, il est bien américain, Everything Everywhere All at Once. Il est écrit et réalisé par Daniel Kuhn et Daniel Schenert. C'est une comédie d'aventure et de science-fiction qui raconte l'histoire de Evelyn Wong qui est à bout car elle ne comprend plus sa famille, son travail et elle croule sous les impôts. Elle est soudain plongée dans le multivers des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener et face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais également préserver la chose qui est la plus précieuse à ses yeux, sa famille. Description signée Allociné. On continue avec La Dégustation. La Dégustation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un film, oui. C'est un film réalisé par Yvan Calberac avec Isabelle Carré et Bernard Campan notamment. Il raconte l'histoire de Jacques qui tient seul une petite cave à vin au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif, est déterminée à ne pas finir vieille fille et entre un jour dans cette boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation. Et c'est là que commence l'histoire. Le film est une adaptation de la pièce de théâtre qui a le même nom et qui est signée Yvan Calberac. Qui a été créé au Théâtre de la Renaissance en 2019. Voilà pour cette chronique sortie cinéma. D'autres films à sortir ce mercredi, présentés tout à l'heure en fin d'émission. Restez là. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end. 10h20, dans un instant, l'histoire d'une voiture qui a malheureusement pas très bien commencé et pas très bien fini non plus. Aujourd'hui, l'économie et RFI qui vous raconte ça après le titre d'Adèle, Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know that. Silence, baby, let me in. Adèle sur Radio Antigone et sur Phil FM Easy On Me qui est le single qui a marqué son retour avant la sortie de son album vers octobre-novembre. Il me semble l'excellente Adèle et sa voix caractéristique. Merci Adèle pour ce titre, elle en a sorti d'autres depuis et ce n'est sans doute que le début. On en écoutera bien sûr de nouveaux titres très prochainement sur Radio Antigone et sur Phil FM. La suite tout de suite. Peut-être, alors j'ai pas dit de la musique. La suite c'est avec la chronique économique. Alors ça démarre pas du tout, mais je vais y arriver peut-être. Et bien avec aujourd'hui, l'économie. J'appuyais sur le mauvais bouton. Voilà, en 5 minutes, j'ai oublié quel était le bouton pour lancer le jingle. Bon, c'est pas grave, il est 10h23. Cette semaine, dans la chronique économique de la case du week-end, puisque RFI est encore en vacances, eh bien les chroniques de vacances d'RFI qui nous a proposé, pendant une semaine du mois d'août, de revenir sur les fiascos, les bides. Et oui, les bides projets industriels. Aujourd'hui, on parle de la Renault 14 qui a été commercialisée en France en 1960. À l'époque, elle a été baptisée la poire en raison de ses formes qui étaient un petit peu rondes. Cette comparaison malheureuse qui aurait détourné les potentiels acheteurs, nous dit-on. Pourtant, eh bien, la Renault 14 a connu son heure de gloire. Retour aujourd'hui avec Anne Verdaguer sur un échec commercial qui n'en est peut-être finalement pas un. Comme c'est intriguant. Ceci est une Renault 14. La Renault 14, c'est comme une poire. Une voiture en forme de poire, il fallait y penser. Avec son petit moteur à l'avant et son grand espace à l'arrière, il est vrai que la Renault 14 n'a pas tout à fait un look élancé. Mais de là à la comparer à un fruit, l'agence Publicis n'en démord pas et enfonce le clou. Dans ses publicités, la Renault 14 pose même devant une banane, une pomme de terre et un radis avec le slogan « Vous pouvez la comparer avec ses concurrentes ». Un ton décalé qui n'est pas du goût de tous. Pourtant, contrairement à la légende, ce n'est pas la publicité de la poire qui a fait baisser les ventes de la Renault 14, bien au contraire. Goûtez-la. Patrice Vergès, auteur et journaliste automobile. Elle a été produite à 1 million d'exemplaires, donc on ne peut pas parler de bide. Alors cela dit, Renault espérait en vendre davantage, mais elle a séduit les clients au niveau esthétique. D'ailleurs, elle a reçu le prix du design industriel. En fait, elle a un peu déçu Renault, elle a surtout déçu le service après-vente au Renault et les vendeurs. Parce que c'est une voiture qui avait été étudiée en commun avec Peugeot. Et comme la Peugeot 104 était sortie avant, le réseau disait qu'elle avait un moteur de 104. Et donc les vendeurs n'étaient pas très disposés à la vendre, parce que pour eux c'était pas une vraie Renault. Et puis alors encore pire, le service après-vente, les mécaniciens refusaient de la réparer, parce qu'ils disaient que le moteur était totalement inaccessible de par sa position transversale. Victime d'un malentendu, la Renault 14, le fiasco de sa commercialisation passée à la postérité lui colle en tout cas à la peau. Mais avant de naître dans les usines, sous les presses et sur les chaînes, il faut dire que cette voiture a lentement pris forme dans les bureaux d'études et sur les planches à dessin. La Renault 14 cherchait pourtant à innover avec son intérieur vaste et confortable et son gabarit maîtrisé. Ses formes joufflues, loin des canons automobiles de l'époque, ne lui ont cependant pas rendu service. Mais la Renault 14 fait aujourd'hui le bonheur de quelques amateurs éclairés. C'est le cas de Daniel, 27 ans. Et bien en fait, donc, je cherchais ma première voiture. C'était donc, j'avais eu mon permis en juin 2016. Et je suis tombé dessus, en fait, l'annonce par pur hasard. Je l'ai essayé, j'ai eu le coup de foudre. Et surtout, j'ai eu le coup de foudre pour la fameuse publicité de la poire qui m'a vraiment subjugué. Voilà, moi, j'avais trouvé ça très kitsch et puis aussi, mine de rien, très drôle. Et donc, du coup, j'ai vraiment adhéré à ça. Mais vraiment, à chaque fois, c'est vraiment le confort, quoi. On s'assied dans des sièges qu'à l'époque, on appelait d'ailleurs des fauteuils et qui sont très, très mous, très confortables. Puis ils sont rouges, donc du coup, c'est très gai à l'œil aussi et très chatoyant. Donc moi, j'aime beaucoup la couleur, donc voilà. En 1981 sort la Renault TS avec une publicité décoiffante dans laquelle la voiture décolle sur une musique d'un certain Jean-Michel Jarre. 1981, c'est aussi l'année où la Renault 14 atteint son pic de vente. Ça a relancé littéralement la carrière de la R14, quoi. Et là, il y a un autre facteur qui fait qu'elle s'est pas bien vendue. Et en fait, ça s'explique par une concurrence interne, notamment la R9, qui est arrivée en 81 et qui du coup a supplanté les ventes de la R14. Phare, planche de bord, glace, serrure, feu arrière, pare-brise. La commercialisation de la Renault 14, initialement présentée présentée comme la 7 chevaux du bonheur n'aura duré que 7 ans. Aujourd'hui, son statut de mal-aimé lui vaut une certaine aura et même beaucoup d'affection. Donc nous, notre Renault 14, ça s'appelle pas Renault 14, ça s'appelle Belle Hélène. Et donc du coup, en fait, c'est naturellement que ça vient comme ça, mais même mes amis l'appellent comme ça, tout le monde l'appelle comme ça, mais le voisinage l'appelle comme ça, c'est vraiment... Et si c'était à refaire, je le referais, mais sans hésiter une seconde. Ça plane pour moi. Merci beaucoup Enver Daguet pour cette chronique économique et cette histoire de la Renault 14, surnommée donc la poire. Avant de faire un point sur l'actu, eh bien je vous propose rapidement d'écouter un petit extrait de Florence plus The Machine. Voici Shake It Out. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I like to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. petit extrait de Florence plus The Machine, mais finalement nous avons tout écouté. C'était Shake It Out sur Radio Antigone et sur Phil FM. La radio à vif. Il est déjà 10h33, on va faire rapidement un point sur l'actu. Il y aura ensuite des actus du numérique et Stromae avec son titre Santé. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Oui, allons-y, le point sur l'actu de ce dimanche 28 août 2022, le flash. Rapidement, en Alsace, SOS Médecin Mulhouse a suspendu, a décidé d'arrêter son activité jusqu'à lundi matin après l'agression d'un médecin lors d'une visite à domicile. Le compagnon d'une patiente a tiré sur le médecin, lui reprochant d'avoir mis trop de temps à arriver. Au Pakistan, même si chaque année les pluies de mousson dévastent le sous-continent indien, cette année la saison est particulièrement meurtrière puisque les précipitations ont causé la mort de 119 personnes en 24 heures. Le nouveau bilan au total fait état depuis de 1033 morts depuis le début du mois de juin. Un terrible bilan donc là-bas au Pakistan. Transition écologique, Elisabeth Borne qui a annoncé hier la création d'un fonds vert, non pas pour faire des incrustations mais bien d'un fonds vert, un fonds avec de l'argent, voilà, de 1,5 milliard d'euros précisément, donc ça en fait de l'argent. Il serait dédié aux collectivités. Elisabeth Borne qui a suggéré que ce fonds puisse être utilisé pour la réhabilitation des friches et pour la rénovation énergétique bien sûr de certains bâtiments publics comme les écoles ou d'autres. Voilà pour ce point très très rapide sur l'actualité, une rapide météo. Bien sûr, on fera un point plus complet tout à l'heure à 11h. Un niveau météo, c'est pas mal. France Info et Météo France nous disent que la journée s'annonce ensoleillée, sauf dans le nord-est, en Bretagne et en Normandie. Il fera jusqu'à 22 degrés ce matin et jusqu'à 32 degrés cet après-midi. Pas de pluie est attendue, donc du coup, profitez, à part quelques nuages. C'est assez dégagé. Ah, je viens de voir de la pluie cet après-midi. Peut-être des rares averses à Gap, mais c'est le seul endroit où vous pourrez avoir de la pluie. Bonne matinée à notre écoute. La tasse du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. J'ai déjà du retard, je n'aurais pas dû diffuser la musique en continu. On complète. Bon, bref, je vais pas m'éterniser et vous annoncer le programme. Merci de nous écouter. La case du week-end est en direct jusqu'à midi, bien sûr. La chronique numérique arrive dans un instant. Il y aura l'éphéméride tout à l'heure à 10h45. Oui, 10h45 pour l'éphéméride. Et puis après, nous parlerons médias. Il y aura également un classique musical. Nous allons écouter Genesis dans quelques minutes avec Land of Confusion. Et il faut que je change les piles de ma souris, puisque là je vais tout au pavé tactile et je ne suis pas très rassuré. Déjà que les jingles habituellement ont du mal à se lancer, là j'avoue que j'ai encore un peu plus peur. Justement, elle est en mauvaise santé ma souris, puisqu'elle a plus de piles. C'est de cela dont nous parle Stromae avec son titre Santé que nous écoutons dans un instant. Sachez qu'il y aura également Jack and Fanny avec Soleil. Mais voici donc Stromae dès maintenant Santé, un titre qu'il a sorti il y a presque un an. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Mieux vaut ne pas si frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Cœur aux célébrations. Stromae, c'était Santé sur Radio Antigone. Et dans un instant, il y aura Jack and Fanny avec Soleil. Il y a du soleil, et quand il est là, moi ça va. Il y a du soleil, c'est toujours l'été dans tes bras. Allez, viens, on s'aime, les nuits sans toi, il fait trop froid. Quand tu es près de moi, y a toujours du soleil. Mais pour l'instant, ce sont les actus du numérique. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Direction Twitter pour les actus du numérique aujourd'hui. Puisque, eh bien, Twitter doit faire la face, pardon, à un dépôt de plainte, je vais y arriver, hein. Un dépôt de plainte par son ancien directeur de la sécurité aux États-Unis. Dans cette plainte, Peter Zatko, directeur, ancien directeur de la sécurité donc aux États-Unis de Twitter, qui est également un hacker de renom appelé Mudge, dénonce des lacunes extrêmes et flagrantes qu'aurait la plateforme, le réseau social en matière de sécurité. De son côté, nous indique PresseCitron.net, eh bien Twitter a nié toutes les accusations de son ancien responsable de la sécurité. Tout serait apparemment faux. Et je cite, nos pratiques de confidentialité et de sécurité qui est truffée d'incohérence et d'exactitude. Attendez, par contre la phrase, ça va pas. Je vais donc refaire ma phrase. Tout ce qui est dit est faux. Tout ce qui est dit concernant nos pratiques de confidentialité et de sécurité et de sécurité des données. Tout ce qui est apparemment dit dans la plainte serait truffé d'incohérence et d'inexactitude et manque de contexte important. De son côté, eh bien, la CNIL a décidé de se saisir du dossier. La CNIL, qui surveille toute la sécurité et la confidentialité en France, le régulateur français enquête déjà. La CNIL enquête actuellement sur la plainte déposée aux États-Unis. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d'infirmer l'exactitude des manquements allégués, indique l'organisme français, d'après le site américain qui a révélé cette information concernant ce problème de sécurité. Donc, le régulateur irlandais s'est également penché sur le sujet. Il s'agit de la Data Protection Commission, la DPC en Irlande, qui a pris connaissance des problèmes lorsqu'ils ont lu les articles des médias. Bref, on aura sûrement des nouvelles très très prochainement concernant cette enquête, des lacunes de sécurité et de confidentialité, donc peut-être sur Twitter, affaire à suivre, et nous en reparlerons bien sûr ici sur Radio Antigone. Les actus du numérique qui reviennent dans une heure, je vais essayer de ne pas cliquer, oula, c'est la case du week-end. Elle était belle celle-là. Je vais essayer de ne pas cliquer et j'ai cliqué. Bon, c'est pas grave. Voici de la musique avant l'éphéméride. Jacon, Fanny, c'est Soleil que l'on écoute dès maintenant. Toi tu brilles quand je m'éteins, mais on trouve toujours le chemin, on se retrouve toujours. Toi tu cours, je prends mon temps, même si on se perd de temps en temps, même si on se perd. Du jour, chérie Coco, mon amour. Le calme après la tempête, plus de démons dans ma tête. Fais-moi oublier ma peine, la pluie qui coule dans mes veines. Ouais. Le déluge quand t'es pas là. Y'a du soleil, et quand tu es là, moi ça va. Y'a du soleil, c'est toujours l'été dans tes bras. Allez, viens, on s'aime, les nuits sans toi, il fait trop froid. J'ai pas sommeil. When I doubt, you know for sure, it makes me want you even more, and I'll stay right here. You hold on when I let go, and when you love me, then I know I need you close. T'es comme le lever du jour, chérie Coco, mon amour. Le calme après la tempête, plus de démons dans ma tête. Fais-moi oublier ma peine, la pluie qui coule dans mes veines. Quand t'es pas là, y'a du soleil. Et quand tu es là, moi ça va. Y'a du soleil, c'est toujours l'été dans tes bras. Allez, viens, on s'aime. Les nuits sans toi, il fait trop froid. J'ai pas sommeil. Quand tu es près de moi, y'a toujours du soleil. As long as I'm yours, you're the one, you're the sun. Your love is keeping me warm. When it rains, baby, it pours. But I'm good as long as I'm yours. You're the one, you're the sun. My shelter from the storm. Y'a du soleil, et quand tu es là, moi ça va. Y'a du soleil, c'est toujours l'été dans tes bras. Allez, viens, on s'aime. Les nuits sans toi, il fait trop froid. J'ai pas sommeil. Jack and Fanny sur Radio Antigone à 10h46 et c'était Soleil. Voici l'éphéméride. L'éphéméride. L'éphéméride qui est là, en effet, nous sommes le dimanche 28 août 2022, le 240e jour de l'année. Bonne fête aujourd'hui aux Augustins, aux Augustines, aux Austin, aux Skin, aux Vivien et aux Vivian. Bon anniversaire à l'acteur Jack Black, Philippe Léopard, la chanteuse Shania Twain qui fête ses 57 ans, l'acteur David Soul fête quant à lui ses 79 ans. Bon anniversaire également au réalisateur David Fincher qui est né en 1962 et qui fête donc ses 60 ans aujourd'hui. Et puis, à qui peut-on souhaiter un anniversaire? Eh bien, bonne question. On peut peut-être finir avec Amanda Tapping, l'actrice canadienne qui fête ses 57 ans aujourd'hui. Ah, attendez, je rajoute quelque chose puisque on parle des anniversaires des personnalités. Mais on pourrait également parler, on en parle d'ailleurs souvent parce que le site anniversaire-celebrité.com l'est, mais, eh bien, bon anniversaire aux Power Rangers qui ont été diffusés pour la première fois, eh bien, il y a 29 ans tout pile. Et oui, déjà, ça passe vite, hein. Eh bien, c'était en, du coup, 1993, le 28 août 1993. C'est aujourd'hui la journée mondiale du nœud papillon. J'en ai un actuellement pour faire l'émission puisque il faut quand même être sérieux pour faire une émission. Le 28 août, eh bien, il s'est passé des choses. Oui, oui, il s'est passé des choses, en effet. C'est un 28 août, le 28 août 1945, qui est sorti le premier numéro du Clarin. Le Clarin, eh bien, qui est un groupe médiatique et qui a créé un journal en 1945. Le quotidien est basé à Buenos Aires et il est donc en langue espagnole. Et c'est un 28 août. Le 28 août 1945 a été créé ce journal et qui est sorti surtout le premier numéro. C'est un 28 août également, le 28 août 2009, que le groupe anglais Oasis, que l'on a déjà écouté dans cette émission, s'est séparé. Autre événement s'étant déroulé un 28 août, et on va terminer sur ça. C'est le 28 août 1988 que sur la base aérienne de Ramstein, trois avions se percutent et chutent sur la foule, faisant 70 morts et 346 blessés. L'accident de Ramstein, c'est comme ça qu'il est nommé, est une des plus grandes catastrophes aériennes ayant eu lieu à l'occasion d'un meeting aérien, nous dit Wikipédia. Voilà pour cette éphéméride. Bon anniversaire à vous si vous êtes né un 28 août. Le classique de la case du week-end. En effet, il est temps d'écouter un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, un titre que tout le monde aime. Avant de parler médias, voici Genesis avec Land of Confusion. Bye. Radio Antigone, c'était les excellents Genesis avec Land of Confusion. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Ça vous avait manqué, hein, le chant des jingles par votre présentateur. Et non. Moi non plus, ça m'avait pas manqué. Alors, une petite info que je viens de voir passer, voilà. Info assez intéressante. On parle d'Europe 1, est un petit peu sous le contrôle de Monsieur Bolloré, hein, ces derniers temps, qui souhaite le racheter. Bref, du côté du groupe Lagardère, c'est un petit peu compliqué niveau organisation. Les journalistes ne sont pas forcément contents. C'est le cas, par exemple, de Benoît Clerc, qui est correspondant aux États-Unis pour TF1 et LCI, et qui travaille également à Europe 1, ou en tout cas qui travaillait, puisqu'il a annoncé qu'il ne participerait pas à la rentrée demain, qu'il partait d'Europe 1. La raison est très très simple. La DRH Constance Banquet aurait décidé, puisque la présidente de Lagardère News, Constance Banquet, et le DRH, Monsieur Trouillet, auraient décidé unilatéralement de se passer de, tenez-vous bien, 90% des correspondants à l'étranger. On apprend donc par la voix de ce journaliste qui a sa carte de presse depuis 1974, la carte de presse d'ailleurs numéro 33027 selon son compte Twitter, que 90% des correspondants à l'étranger de Europe 1 seraient donc licenciés ou ne verront pas leur contrat renouvelé pour cette saison qui commence demain. C'est quand même assez impressionnant, et donc je voulais vous partager cette information qui montre la façon dont est géré Europe 1 et la politique actuellement qui est tenue à Europe 1. Voilà, tout simplement. Information donc de Benoît Clerc qui a annoncé que son avocate les a signés au prud'homme, voilà, concernant ce sujet. En effet, il y a peut-être de quoi faire, parce que 90%, ça fait quand même beaucoup. Voilà pour cette petite actu média qui était un peu dans tous les sens. Mais bon, voilà. En tout cas, je voulais vous annoncer cette information. Ça change un peu des sujets qu'on a l'habitude d'évoquer. Là, au moins, on a quelque chose d'un petit peu plus... on a quelque chose de différent. Bref, voilà, je ne vais pas m'enfoncer. Une info qui vient de sortir. Attention, pas de confirmation. Apparemment, Ercin Lebovic, du côté de France Info Radio, qui était au 6-10 week-end depuis la saison dernière, passerait au 14-17 la saison prochaine, et donc dès la semaine prochaine, a confirmé. On verra ça, on en reparlera, puisque de toute façon, on doit parler radio. Je devais même vous parler radio là, maintenant, sauf que je vous ai parlé de ça, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Bref, je vais arrêter de m'enfoncer et essayer de reprendre mes esprits pour que cette émission ressemble à quelque chose, et on écoute un petit peu de musique. Dans quelques instants, sachez que nous allons faire un point sur l'actualité et sur la météo. Oui, le flash de 11h arrive dans un instant. Il y aura une chronique économique dans un instant, et puis le programme télé aussi dans la prochaine demi-heure. Pour l'instant, voici Dawn Landes avec Bodyguards. Garde, il n'y a pas de S. Erased our signatures from things I heard them singing. Where's my bodyguard? Of clothing, stole your smile, stole your Radio Avif. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. 11h sur Radio Antigone, voici un nouveau point sur l'actu dès maintenant. Voici le flash. Dans l'actualité, ce matin, en Alsace pour commencer, SOS Médecins à Mulhouse a suspendu jusqu'à lundi matin ses activités après l'agression d'un médecin lors d'une visite à domicile. Le compagnon d'une patiente a tiré sur le médecin lui reprochant d'avoir mis trop de temps à arriver. Le président de SOS Médecins Mulhouse a déclaré à France Info « ça devient une escalade qui n'est pas tolérable ». Le locataire de l'appartement qui a donc tiré sur le médecin a été placé en garde à vue pour violence avec arme sur un médecin. Le praticien, lui très choqué, a été pris en charge. Au Pakistan, 119 morts en une journée et plus de 1000 décès depuis juin. C'est le terrible bilan des pluies de mousson qui dévastent bien le pays. C'est le cas chaque année, mais cette année c'est particulièrement violent. Plus de 33 millions d'habitants, soit un Pakistanais sur 7, sont touchés par les inondations selon l'Autorité nationale de gestion des catastrophes. 8000 hectares de terres cultivables sont ravagés selon France Info et plus de 3400 km de route et 149 ponts ont été emportés par les eaux et 1 million de maisons détruites ou gravement endommagées. Un effet du dérèglement climatique supplémentaire vu la violence des événements. Alors, aujourd'hui, une fusée va se diriger vers la Lune. Oui, Cap Canaveral, une fusée va décoller. Des centaines de milliers de curieux ont fait le déplacement pour assister demain au décollage d'une fusée qui doit atterrir sur la Lune. Ça fait longtemps la NASA n'a pas envoyé de fusée là-bas. Mais ça sera pour la semaine prochaine, donc pour lundi prochain. Les chaînes info vont très certainement parler en faisant des éditions spéciales. Décollage prévu donc demain. Alors je n'ai pas l'horaire sous les mains, mais c'est embêtant. Mais je vais essayer de vous les retrouver pour le flash de 11h30. Pour l'instant, nous passons à la météo. Mais bien sûr, la météo à 11h03, ça, je suis pas trop au retard. On a vu pire, on va dire. La météo, c'est pas trop mal, hein. C'est assez dégagé ce matin, c'est même très très dégagé. Quelques nuages néanmoins du côté de la région Grand Est et des Hauts-de-France. Partout ailleurs, du grand soleil sans vraiment de nuages. Des températures ce matin qui se l'échelonnent de 16 à 24 degrés. Ça c'est pour Ajaccio, Perpignan ou encore Nice. Du côté de Marseille, il fait 23 degrés. Comptez 16 degrés à Auxerre, 18 à Tours, Bourges ou encore Belfort. Cet après-midi, les nuages vont légèrement se décaler du côté de l'ouest de la France. Attention à ces rares averses possibles, nous dit Météo France pour Gap. Et puis demain, les pluies qui seront uniquement du côté des Pyrénées et de Biarritz avec des rares averses. Les températures qui demain matin seront plus chaudes qu'aujourd'hui. Il fera au moins 20 degrés quasiment partout, sauf à Chaumont ou en Bretagne et dans les Hauts-de-France. Oui, ça fait beaucoup d'exceptions, mais on sera quand même à 17-18 degrés, donc très très proche. Et les orages risquent de se déclarer du côté de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie demain après-midi. On en reparlera bien sûr dans la météo de 11h30. La case du week-end, la suite avec la deuxième heure qui commence dès à présent. La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. En effet, la case du week-end qui continue pendant une heure, je viens de vous le dire. Nous allons parler TV dans un instant. Le programme TV arrive. Il y aura une chronique économique, une nouvelle chronique économique avec un nouveau beat commercial. Et oui, un nouveau beat commercial puisqu'on aime les beats commerciales. Le prochain, de quoi va-t-on parler ? Ah, on va parler de ce fiasco industriel que vous connaissez peut-être, en tout cas le produit, les parfums Bic. Oui, les parfums Bic, on en parle tout à l'heure à 11h23. Il y aura un nouveau point sur l'actualité à 11h30, juste après les actus du numérique, les actus du sport à 11h45, les actus des médias après le classique musical dont je vais vous parler dans un instant. Et puis on reverra, on refera un tour du côté des sorties cinéma, on en a parlé au début d'émission, mais il y a d'autres films qui sortent. Du côté de la musique, donc, on va déjà écouter dans un instant un titre que l'on a au final pas écouté hier et que j'ai pourtant annoncé, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il arrive dans un court instant, mais sachez que nous allons donc écouter les Maroon 5 dans quelques minutes. Ce sera Lost que nous écouterons. Qu'allons-nous écouter d'autre dans cette émission? Eh bien, il y a, il me semble... Attendez, il faut que je reprenne mon conducteur. Ah bah, ça s'est lancé. Animateur de pacotille que vous avez. C'est Duke Brooks avec Fit Don't Fail Me No que nous écouterons. Voilà, nous l'écouterons tout à l'heure, bien sûr, sur Radio Antigone. Mais pour l'heure, je vous l'ai dit, un titre que nous n'avons au final pas écouté hier et que j'avais pourtant annoncé. Il s'agit de Tom Walker. Oui, Tom Walker, je vous ai annoncé Something's Beautiful. Je vous ai même passé un extrait. Eh bien, figurez-vous qu'on ne l'a pas diffusé. Voilà, je ne sais pour quelle raison. J'ai dû me tromper quelque part dans ma programmation. En tout cas, je vous propose qu'on l'écoute dès maintenant. C'est un featuring avec Meskid Wolf. Et on écoute dès maintenant un titre sorti l'année dernière, donc il est signé Tom Walker. Il est 11h08 sur Radio Antigone, bienvenue. I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe. Broken down, I'm turning in my sleep. Nothing is ever too steep. I'm trying to find my peace. Cause I've been feeling up, down, cut out, lost count of every sin. Just trying to find a new way to say real change. It's not too late, fight away the darkness. New dawn, new day will break. I'm just holding on to happiness from all the pain. From something beautiful. So much, I'm affected by the ripple. Feeling so low that I can't even see the middle. Dark days, lost ways made me feel little. Trying to find the words that we be playing with the riddle. I know now I've been trying to hold myself. Looking in the mirror, I don't know myself. Emotions on loan like I owe myself. Head out the window and I'm screaming for help. I've been feeling up, down, cut out, lost counts of every sin. Just trying to find a new way to say real change. Darker days, we seize the joy through all the pain we feel. The love won't hesitate, take every chance that comes our way. The little things we appreciate, we fight for truth. The heavy weight and every win we celebrate something beautiful. I'm just holding on to happiness from all the pain gone. beautiful. Mon micro était éteint depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Je vous disais donc que c'était Tom Walker, un titre que je n'ai pas eu le temps de diffuser hier, je ne sais pour quelle raison, que nous allons écouter non pas Marcia Baila, c'était une erreur de diffusion, mais bien Michael Jackson, que vous venez d'entendre en fin d'émission. Ce sera le deuxième classique musical avec You Rock My World. Mais pour l'instant, eh bien, repartons après directement en musique sans nous arrêter avec les Maroon 5 avant le programme télé. Voici Lost. No connection, no faith or direction, no. Searching and searching for someone to save my soul. Till you love me, now I'm found, now I'm found, now I'm found. Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound, sound, sound, sound, sound. Lost, I was lost, now I'm found. Lost, I was lost, I was lost. Till you love me, now I'm found, now I'm found, now I'm found. Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound. Till you love me, now I'm found, now I'm found, now I'm found. Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound, sound, sound, sound. Lost, I was lost, now I'm found. Lost, I was lost, I was lost. Till you love me, now I'm found, now I'm found, now I'm found. Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound. Up in the way. Sur Radio Antigone, c'était les Maroon 5 à l'instant avec le titre Lost. Il est 11h14, je suis un petit peu en avance, mais ce n'est pas grave. Voici le programme télé. Radio Antigone, Phil FM, le programme TV. Et oui, le programme TV de ce dimanche. Le programme télé de ce dimanche, nous commençons avec TF1 qui vous propose un film inédit. Il s'agit du film Jou... Ouh là là là là là, oh là là, ça commence mal. Jumanji Next Level. Il dure 2h15 et il est diffusé à partir de 21h10. Il raconte l'histoire de Spencer, Bertami Mata et Anthony qui ont été projetés à l'intérieur du jeu qui se nomme donc Jumanji. Et sur France 2, un autre film inédit mais d'un tout autre genre. Il s'agit de Pupi, il est à 21h05 et lui raconte l'histoire d'Alice, la quarantaine qui cherche depuis 10 ans à adopter. Ce soir à la télévision également, Commissaire Montalbano, ce soir en inédit avec l'épisode La méthode Catalanotti. C'est à partir de 21h10, c'est sur France 3. Sur Canal+, la finale du trophée des championnes de football, Lyon qui affronte le Paris Saint-Germain à partir de 20h50. Sur France 5, les 100 lieux qu'il faut voir, direction le sentier Qatar de l'Ariège à la Méditerranée. C'est inédit et c'est donc sur France 5 dès 20h55. À 21h10 sur M6, un numéro inédit de Capital qui va parler de Kiabi, de Nose, d'Electro-Dépôt et donc de ces rois des zones commerciales. Et la question qui se pose est comment cassent-ils les prix? C'est à partir donc de 21h10 sur M6. Sur Arte à 20h55, l'homme des hautes plaines. Sur C8, rediffusion du téléfilm Saint-Philippe Neri. Sur W9, le film Mamma Mia. Sur TMC, un autre film, Le Grand Restaurant. Sur TFX, encore un film avec Case Départ. Sur Énergie 12, de plusieurs numéros de quotidien hors du commun. Sur LCP Public Sénat, le retour, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas annoncé, ça m'a manqué. Rambobina à 21h, comme tous les dimanches. Aujourd'hui, il parle de la prise de pouvoir par Louis XIV, en 1966. Sujet assez inhabituel de remonter autant dans le temps. 1966 Découvrez tout ça dans Rambobina tout à l'heure à 21h, j'ai pas les détails. Bref, on continue avec France 4 qui diffuse une pièce de théâtre, Culture Box plutôt, le canal 14 de la TNT, qui diffuse une pièce de théâtre qui a été diffusée il y a 2 semaines, il me semble, sur France 2 en prime time. 21h10, Le Canard à l'Orange, voilà, c'est directement sur le canal 14 de la TNT, sur Culture Box. Sur C-Star, comme tous les dimanches, avec des inédits en plus cette semaine, Chicago Fire, à partir de 21h05. Sur Gulli égale M6 Family. Sur TF1 série film On ne choisit pas sa famille, c'est un film qui commence à 21h. Sur la chaîne L'Équipe, eh bien vous avez le droit à du volleyball avec les championnats du monde masculin dans le groupe D. La France affronte la Slovénie et c'est suivi de L'Équipe du soir en direct à 22h37. Sur Sister, le film Diana à 21h05. À la même heure sur RMC Story, faites entrer l'accusé. Un épisode inédit l'intitulé, attention, meurtre à la Breaking Bad. 10 minutes après, à 21h10, donc, sur RMC Découverte, Australie, la rue et vers l'or, c'est toute la soirée avec plusieurs numéros. Et on termine par Chéri 25, qui rediffuse des petits meurtres d'Agatha Christie. À 21h05, vous avez droit à l'épisode qui se nomme Meurtre en Champagne. Et puis, 1h55 après, à 23h, meurtre à la Kermesse. De mon côté, je vais sûrement aller au lit et pas à la kermesse, même si j'aimerais bien, ça me rappellerait des souvenirs. J'irai au lit ce soir-là. Demain, c'est la rentrée des médias, deuxième rentrée des médias. Du côté des télévisions et des radios, vous aurez sans doute des nouveautés. Voilà, donc demain, ça sera sans doute intéressant tout au fil de la journée, tout au long de la journée, si vous n'êtes pas au travail. Bref, je ne sais pas pourquoi je pars pour dire ça. Bref, qu'est-ce que je peux dire? Dire que c'était donc le programme télé, que dans quelques instants, il y aura aujourd'hui l'économie sur Radio Antigone. 10h midi, la case du week-end. Vous y croyez ça? Je suis pile à l'heure. Mais voilà, normalement, la chronique économique va commencer à 23, donc 11h23. Allez, 11h22:58 pour le jingle. Bref, on écoute Joy Cooks. Fit Don't Fail Me No. J'ai même pas regardé combien de temps j'avais pour l'intro. Catastrophe. Radio Antigone et Phil FM avec Joy Crooks à l'instant. Fit, don't fail me, no. On parle économie. Aujourd'hui, l'économie. Je vous l'ai dit, RFI est encore en vacances, c'est toutes ses vacances, ils nous ont proposé des chroniques un petit peu différentes avec un concept normalement, celui des fiascos industriels. L'histoire, eh bien, d'un produit lancé en grande pompe et puis qui a fait, je vous le dis, je vous le donne en mille, un bide. On a déjà écouté 3 épisodes, eh bien, voici un 4e. Celui des parfums Bic. Oui, puisque vous le savez peut-être, eh ben, Bic a lancé des parfums, c'était à la fin des années 1980. Bic, eh bien, connu mondialement pour ses stylos briquets et rasoirs jetables, mais qui s'est donc lancé dans la parfumerie. Et vous allez voir, comme nous l'explique Patricia Lecomte, ça ne lui a pas vraiment réussi. Après avoir réinventé l'écriture, réinventé le feu, réinventé le rasage, Bic réinvente le parfum. Nouveau parfum Bic, le parfum nu. Réputé pour avoir du flair, Marcel Bic se lance dans une nouvelle aventure. Ce capitaine d'industrie autodidacte, surnommé le Baron Bic, veut démocratiser le parfum. Après ses stylos, ses rasoirs et ses briquets jetables, qui sont un énorme succès, Bic veut rendre le parfum accessible à tous. Son prix sera donc modique et se vendra chez les buralistes, là où se vendent déjà les briquets Bic. D'ailleurs, le flacon reprend la forme de ses briquets avec un capuchon qui se décline en 4 couleurs. 2 sont destinés aux femmes. Le premier sort en 1988, c'est le Bic bleu pour la nuit, suivront le Bic rouge pour le jour, le Bic noir pour l'homme et le Bic vert unisexe pour les sportifs. Mathieu Ferreira, responsable du développement parfum pour la France chez Eurofragrance, souligne que ce concept innovant est en inadéquation avec le marché français. On a vraiment une culture parfumistique en France très poussée. Ce sont les marques de mode et de création avec Chanel, Patou au début du XXe siècle qui ont vraiment lié dans l'inconscient collectif français le parfum avec la mode. Et donc une marque Bic qui est connue pour des stylos ou pour des rasoirs, quelle est sa légitimité à faire du parfum ? Pour imposer son parfum, Bic fait appel au plus grand publicitaire du moment, Jacques Séguéla. Plusieurs spots sont proposés, dont un clip avec 2 personnages dessinés et animés. L'homme s'appelle Biquet et la femme Biquette, le tout sur une chanson du truculent Richard Gottener aux paroles un peu décalées. Pouette pouette, pas sûr que ça fasse rêver. À défaut d'être chic, la publicité choque et casse les codes. Le choix de vendre le parfum dans les bureaux de tabac, dans une ambiance enfumée, où se mêlent les joueurs de tiercé aux amateurs de petits ballons de rouge, interroge Mathieu Ferreira. Je peux comprendre la démarche qui veut révolutionner un peu en rendant un produit plus accessible, un achat d'impulsion à un prix très attractif qu'on va acheter à la caisse du bureau de tabac en même temps qu'on prend son journal ou un chewing-gum. Mais là, on est vraiment dans une démarche plus hédoniste, olfactive, et le bureau de tabac, pour moi, ne se plie absolument pas à cet impératif. Parfum Bic numéro 1, 20 francs. L'intention de Bic était de révolutionner le produit avec un contenant plus petit qui se glisse dans la poche. Vendu l'équivalent d'environ 4 euros aujourd'hui, le parfum Bic suit la politique commerciale du groupe qui s'attache à vendre à prix bas. Mais dans l'esprit du public, le parfum, c'est aussi du rêve et il doit avoir quand même un certain prix. Parfum Bic, où tu veux, quand tu veux. Bic prévoyait de produire 10 millions d'unités par an, avec pour certitude que son parfum devienne un succès mondial. Mais ce sera un échec. Mathieu Ferreira. Quand vous êtes révolutionnaire sur tous les aspects du produit, réseau de distribution, format, prix très bas, c'est très compliqué. Pour qu'une révolution soit acceptée, il faut qu'on change quelques-uns de ces paramètres, mais pas tout en même temps. Jean-Jacques Rousseau disait « L'odorat est le sens de l'imaginaire ». Alors, peut-être que les consommateurs ont craint de sentir la biquette. Malgré 3 nouvelles campagnes publicitaires pour relancer le parfum, les ventes ne décollent pas. Bic persistera 3 ans avant de renoncer. Son erreur de positionnement lui coûtera au total 400 millions de francs. Oh, c'est pas grand-chose. Non, je rigole, bien sûr. Merci beaucoup à RFI pour cette chronique. La semaine prochaine, retour normalement des chroniques normales. Avant le point sur l'actu, voici Fauve avec Nuit Fauve. Regarde pas les affiches, fais pas gaffe aux signaux. Mets bien tes mains sur tes oreilles quand t'entends rire les narvalos sauvagement.

La météo aujourd'hui, c'est très très beau et cet après-midi, les températures vont continuer d'augmenter. Oui, elles vont continuer d'augmenter. Attention, néanmoins, assez pluie qui pourrait se déclarer du côté de Gap. C'est le seul endroit où il risque d'avoir de la pluie avec quand même une température de 28 degrés. Du côté de la partie, si on découpe la France en deux, la partie sud aura des températures qui dépassent les 27 degrés. On pourra aller jusqu'à 32 pour Tarbes et Toulouse, 29 à Ajaccio, 30 à Marseille, Montpellier et même Perpignan avec du grand soleil. Un petit peu plus de nuages du côté du nord, des températures qui s'échelonnent entre 23 et 26 degrés. C'est le cas pour Auxerre, Chaumont, Belfort 25 degrés, 26 degrés à Strasbourg, 23 seulement, et c'est déjà bien à Lille, 21 à Cherbourg et 26 degrés à Brest. Demain, je vous l'ai dit tout à l'heure, demain matin, ça reste beau, attention à ces pluies qui risquent tout de même de se déclarer à Biarritz, mais dans l'après-midi, les Pyrénées risquent d'être touchées par des orages. Voilà, attention à ce fort risque d'orage à Bordeaux, les températures seront très très élevées, les plus élevées de la France. Dans la soirée, elles vont se décaler, toutes ces orages vont se décaler sur toute la Nouvelle-Aquitaine ainsi que l'Occitanie. Après-demain, mardi, les orages vraiment vont être présents sur une bonne partie de la France, que ça soit dans le centre Val-de-Loire, du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région centre. Bref, de gros orages à prévoir pour mardi. On en reparlera, bien sûr, vous aurez l'occasion d'avoir de plus amples informations et l'évolution de cette situation orageuse d'ici là. Voilà pour cette météo. La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. À une seconde, j'ai fait une météo de... À une seconde près, j'ai fait une météo de 2 minutes. Voilà, plus long que le foot. Vous n'y comprenez rien, et bien moi non plus. Par contre, je viens de remarquer que j'avais réussi à faire un flash de pile 2 minutes. Pile 2 minutes. Oh là là là là! Alléluia! Wouh! Oui, bon, tout va bien, je vais me calmer. C'est comme ça dans la case du week-end. On est content pour un rien. Si vous découvrez cette émission, déjà, bienvenue. Merci de nous écouter. Vous êtes peut-être sur Phil FM ou sur Radio Antigone. Dans cette émission, on parle un peu de tout. On parle actu, comme vous venez de l'entendre. On parle actu de façon un peu plus légère, avec les actus du numérique qui arrivent dans un instant. On parle aussi sport. Les actus du sport, ça arrive dans un instant. On parle aussi médias. C'est dans une dizaine de minutes, ou un peu plus, dans 15 minutes. Et puis cinéma, voilà, comme tous les dimanches. Le samedi, on parle jeux vidéo avec les sorties des jeux vidéo. Et puis le dimanche, les sorties cinéma avec les affiches du mercredi qui suit, c'est-à-dire le mercredi 31 août. En début d'émission, on a parlé de 3 films. Eh bien, je vais essayer de parler d'au moins 2 films pour terminer cette émission. Ça sera tout à l'heure, juste avant midi, heure à laquelle, notez bien ce rendez-vous, vous aurez droit à un journal complet de 10 minutes proposé et préparé par notre partenaire RFI. Niveau musique, Emotional Orange arrive avec Bonafide. We all need something, a little breakthrough. I won't let you down, I won't leave you. No matter what comes our way, we gon' make do. When the river runs dry, I won't give up on you. Et puis il y aura un classique musical. Michael Jackson, bien sûr. Que dis-je ? L'excellent Michael Jackson. You rock my world, Michael Jackson. Tout à l'heure dans la case du week-end, ce sera le deuxième classique musical de cette émission. Pour l'instant, avant de parler numérique, voici The XX avec Chained. I wish you breathing and I wish you stand. Only for long enough, long enough. It's hard to say. Separate or closer than this. We used to get closer than this. Is it something you miss? We used to be closer than this. We used to be closer. Vous êtes sur Radio Antigone, les actus du sport arrivent dans un instant, nous venons d'écouter The XX, c'était Shant. Ah, oulala, oulala, oulala, le jingle, ah là là là, c'est terrible. Radio Antigone, Phil FM, les actus du numérique. Merci beaucoup de nous écouter, les actus du numérique. Donc, de quoi parlons-nous? Eh bien, excellente question. Eh ben oui, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est pas pourquoi, bah parce que je n'ai pas travaillé. Non, je rigole. On va tranquillement avec une petite info. Tout d'abord, Apple, un prochain événement, un nouvel événement Apple est programmé pour le 7 septembre. Peut-être donc de nouveaux produits à découvrir du côté de chez Apple le 7 septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, bien sûr, comme apparemment à chaque invitation, eh bien, il y a un easter egg dans l'invitation pour cet événement. Et ça sera retrouvé sur le site d'Apple. Voilà, il y a une petite vidéo alors à voir pour ce qu'on aura. Mais ces dernières semaines, eh bien, Apple a été bien intéressé par la réalité augmentée. Donc, certaines sources ont suggéré que le premier casque de réalité virtuelle d'Apple pourrait être dévoilé cette année et peut-être donc dès septembre. Oh, on est sur dit peut-être, donc on va pas forcément en parler là comme ça. Juste vous annoncer, voilà, que là, ça c'est quelque chose de concret, fait, ça a été annoncé en fin d'année dernière. Et bah maintenant, ça va être le cas très très prochainement parce que c'est disponible dans certains pays. Google va vous permettre de jouer à vos jeux Android sur PC. Oui. Google Play jeux continue à prendre de l'ampleur, ça a été annoncé l'année dernière, et c'est en version bêta dans quelques pays, la Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan. Vous pouvez donc accéder à un catalogue de jeux, oui, un catalogue de jeux, mais aussi à d'autres fonctionnalités fournies à Google, aux joueurs pour Android, sur votre PC Windows. C'est quand même plutôt pratique, une bêta qui prend de l'ampleur et en plus qui s'améliore puisque vous avez besoin de moins de ressources sur votre ordinateur. Donc il ne sera plus nécessaire de disposer d'un PC gamer. Google Play annonce pour l'instant que le système fonctionnera avec Windows 10 et un espace de stockage de 10 Go. Alors attention, il est précisé en SSD. À voir si ça fonctionne en HDD ou pas. Une carte graphique pas extrêmement performante, hein, une telle graphique 630, à intégrer au processeur Intel, donc avec une belle carte graphique ça fonctionne largement, et puis un processeur quad-core et 8 Go de RAM, des performances assez moyennes, hein, pour l'époque. Donc vous allez devoir très certainement, pour votre plus grand plaisir, pouvoir jouer au jeu de Google Play, est disponible donc sur Android, sur votre PC. Pas d'informations pour l'instant concernant le déploiement de cette version bêta aux autres régions du monde, dont la France. On en reparlera. Donc encore une fois, c'est de la supposition. Non, parce que c'est vraiment concrètement mis en place. Voilà, on aura parlé de Apple et de Google, les deux gros concurrents. Au moins, on a fait le tour. Là, on peut pas être plus impartial que ça. Sur Radio Antigone, eh bien, il est 11h43. Il est l'heure donc d'écouter de la musique, bien sûr. 10h midi, La tasse du week-end. Avant, figurez-vous, eh bien, de faire un point sur le sport, les actus du sport qui arrivent dans un très très court instant. Ce sera avec Nathalie Amar et le journaliste sport de RFI. Mais pour l'instant, voici Emotional Orange, Bonifeed. Radio Antigone, qu'est-ce que vous écoutez? Eh bien, c'est la case du week-end, la case du week-end qui continue avec à l'instant Bonifeed Orange. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était Bonafide, un titre extrait de l'album sorti en 2021 qui se nommait The Juice Box, la box de jus. Voilà. Moi, je vais aller boire un petit jus pendant que je vous propose les actus du sport. Les actus du sport. C'est avec qui les actus du sport? Eh bien, c'est avec Nathalie Amar et le journaliste sport de notre cher partenaire RFI, bien sûr. Ah, c'est dommage, sans le son, ça fonctionne moins bien quand même. Et du foot anglais pour commencer, Antoine Grenier. Liverpool fait tomber la foudre. 9-0. Si, si, c'est un score de football, pas de rugby. Sevré de victoire depuis le début de cette saison de Première Ligue. De nul et une défaite, les Reds éparpillent Bournemouth façon puzzle, comme dirait l'autre. Luis Diaz ouvre la marque à la 3e minute et la clôt à la 85e. Entre temps, Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Roberto Firmino. Par deux fois, Virgil van Dijk et Fabio Carvalho ajoutent leur pierre à l'édifice, tout ça. Plus un but contre son camp de méfam. Bref, Liverpool égale le record du plus gros écart de but en Première Ligue. Et Trent Alexander-Arnold, un des buteurs du jour, est forcément aux anges. Nous avons lâché les chevaux aujourd'hui, nous avons très bien démarré, c'est ce qu'il fallait après la défaite contre United. C'était ce qu'on voulait, attaquer le plus rapidement possible, et puis l'ambiance était fantastique, le public nous a poussé. C'était un match incroyable avec beaucoup de buts et une magnifique performance de notre part. It was an outstanding game from us, and we've scored a lot of goals out there. It's an exceptional performance. Liverpool provisoirement 8e d'une Première Ligue, toujours dominée par Arsenal. 4e victoire en 4 matchs pour les Gunners, 2-1 face à Fulham. City, Manchester City, reste à 2 points après son succès 4-2 sur Crystal Palace. Et Brighton continue de surprendre, 2e ex aequo après sa victoire 1-0 sur Leeds. En France, 3e victoire en 4 journées pour Lens, leader provisoire de Ligue 1. Les Sang et Or se sont employés pour finalement battre Rennes 2-1, poussé comme souvent par le public du stade Bollard de l'Hélice. Un vrai atout pour l'attaquant belge Loïs Openda, auteur de son 2e but de la saison. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que, comme je l'ai déjà dit, le public c'est comme un 12e homme et c'est toujours compliqué quand les équipes viennent jouer ici à Bollard. Et quand on a un public magnifique comme ça, on est obligé de leur rendre la victoire. On est peut-être premier, mais bon, il y a encore des autres matchs qui vont se passer. Et nous, ce qu'il faut faire, c'est rester concentré comme je l'ai dit, faire un bon résultat mercredi contre Lorient pour continuer sur ces victoires-là. Loïs Openda au micro de Canal+. L'autre match de cette quatrième journée de Ligue 1 a vu le succès d'Auxerre 1-0 sur Strasbourg. Lens, leader provisoire, le Paris Saint-Germain est lui attendu ce dimanche. Les Parisiens restent sur 3 victoires et 17 buts marqués, rien que ça. Difficile de ne pas les voir reprendre leur place en tête. Sauf que Monaco, même dans le dur en ce début de saison, seulement 12e, ne réussit pas vraiment aux Parisiens. L'entraîneur des champions de France, Christophe Galtier, s'en méfie. Ça sera un match difficile. Monaco est une vraie bonne équipe de Ligue 1 et je pense que ils font partie de ses concurrents pour aller chercher à la fois le titre et les places en Champions League. Ils ont certes une défaite la semaine dernière, mais face à une bonne équipe de Lens. Moi, le souvenir simplement que j'ai, c'est le dernier Monaco PSG qui s'était soldé par une lourde défaite du Paris Saint-Germain. Évidemment qu'on en a déjà un peu parlé entre nous. Mais voilà, il ne faut pas se fier à la fois à la performance que nous avons pu faire ce week-end face à Lille et à la contre-performance de Monaco. Chaque match a sa vérité et il faut s'attendre à un match de très haut niveau avec des équipes très joueuses. Christophe Galtier, l'entraîneur d'un Paris Saint-Germain qui reste effectivement sur un 7-1 face à Lille. PSG-Monaco, coup d'envoi 18h45 temps universel. Avant ça, Nantes-Toulouse ouvre ce dimanche à 11h temps universel et suivront Brest-Montpellier, Lorient-Clermont, le derby de la Méditerranée, Nice-Marseille, 3-Angers et Reims-Lyon. En tennis, Adrian Manarino s'offre le tournoi de Winston-Salem aux États-Unis. Le Français remporte son deuxième titre ATP, le premier depuis 2019, en battant le Serbe Laszlo Djere en 2-7, 7-6-6-4 en finale. De quoi le mettre en confiance à la veille du début de l'US Open. Manarino y affrontera le néerlandais Gijs Brouwer, 184e à l'ATP au premier tour. Merci Antoine Grenier. Et merci à vous Nathalie Amar, toujours aussi complet, hein. C'est Flash Sport. Et la semaine prochaine, ça devrait un peu changer. Je vais me remettre à les faire vraiment. Ou une petite surprise à voir, mais parce que là, le 90% foot, non, il y avait d'autres sports à parler, donc j'aurais pas le temps de vous parler parce qu'en plus, du coup, je n'ai pas les infos sous la main parce que je ne suis pas journaliste sport. Mais bon, voilà, je le dis à chaque fois, on aime bien aussi parler d'autres choses que le foot sur Radio Antigone. Là, en fin de chronique, on en a parlé. Mais c'était quand même un petit peu léger et rapide. Bon, c'est pas grave. On passe à la suite. Je vous propose qu'on écoute un classique parce qu'il est déjà bien tard. 11h51. Le classique de la case du week-end. Et oui, alors voici un titre que tout le monde adore. Avant de parler médias, je vous le dis, on n'aura pas le temps de parler des nouveautés des matinales radio dans les radios musicales, puisqu'on n'aura pas le temps. Clairement, ça me prendra 7 minutes et je n'ai pas 7 minutes. Donc, on va parler d'autre chose dans les actus des médias qui arrivent après ce grand classique musical que tout le monde adore, Michael Jackson, You Rock My World. My life will never be the same. Cause girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Michael Jackson sur Radio Antigone avec You Walk My World. Un plaisir toujours d'écouter ce titre. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Nous devions parler des nouveautés sur les matinales musicales, sur les matinales des radios musicales. On n'aura pas le temps. Clairement, on le fera peut-être prochainement, mais je suis désolé, on n'aura pas le temps. Sachez qu'il y a des prolongations en tout genre. Voilà, tout simplement, vous allez pouvoir découvrir ça. Il y en a d'autres qui en parlent. Moi, je vais vous parler de ce qu'on parle peut-être un peu moins. Les nouveaux plateaux de télévision. Oui, puisque nous avons appris hier que 7 à 8, le magazine Weekend de TF1, eh bien, change de décor. Oui, un décor qui va eh bien maintenant devenir beaucoup plus coloré, beaucoup plus clair en tout cas. Et même avec un petit peu de bois, c'est la mode actuellement de mettre du bois. Harry Roselmack qui va donc être dans un nouveau décor. Pas de changement du côté de l'habillage, du générique ou du logo qui resteront identiques à celui actuellement à l'antenne. 22 ans ce programme produit par Elephant est à l'antenne, et maintenant en plus il y a 7 à 8 live à 17h15, avant 7 à 8 normal à 18h20. Autre changement de plateau, celui de la matinale, et là encore ils ont mis du bois, un peu comme Télématin, la matinale de BFM TV qui change, voilà, qui avait besoin de plus d'espace et qui va se retrouver dès demain à 4h26 pour faire plaisir à William qui m'écoute et donc dire l'horaire précis, la première édition dont il ne parle pas beaucoup, avec un nouveau plateau beaucoup plus grand, beaucoup plus d'espace, une table carrée centrale et des écrans tout autour, mais vraiment très très loin, donc ça fait beaucoup d'espace. Voilà, il y a vraiment largement de quoi se faire plaisir dans ce studio immense. Voilà, il y a une belle hauteur sous plafond, de quoi avoir un bel appartement, c'est 10 fois plus grand que mon appartement, voilà, disons-le concrètement, et en plus la hauteur sous plafond est bien grande. Ils étaient vraiment à l'étroit hein, sur leur plateau précédent, nous disent-ils. Et donc l'objectif est d'avoir plus de place pour produire une meilleure émission et essayer de battre Télématin. Ils ne se le cachent pas. Et d'ailleurs, le Marc-Olivier Fogiel, qui est directeur de BFM TV, a souligné et a félicité le travail que faisait Télématin, même si l'objectif pour eux est de les dépasser. Voilà pour ces actus des médias très rapides concernant les plateaux de télévision. Ça vous a intéressé? J'espère, en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu pour que ça vous intéresse. En plus, je parle vite parce qu'il est très tard. Bon, voilà. Bon, bref, je vais arrêter de m'éterniser et on passe aux sorties cinéma. Les sorties cinéma. Faut toujours que j'en rajoute, hein. J'ai à peine 1 minute 34 pour terminer cette émission. Là, il faudrait que je dise au revoir déjà. Mais bon, on va rapidement essayer de présenter un ou deux films qui vont sortir mercredi avec le film Rebelle 2 et 2 Adil El Arbi et de Bilal Falash. Un drame, un thriller qui raconte l'histoire de Kamal qui décide de se rendre en Syrie afin de venir en aide aux victimes de guerre. Mais à son arrivée, il est forcé de rejoindre un groupe armé et se retrouve bloqué à Raqqa. Son jeune frère, Nassim, qui rêve de le rejoindre, devient une proie facile pour les recruteurs du djihad. Leïla, leur mère, tente de protéger son plus jeune fils. C'est à découvrir en salle dès ce mercredi. Et un deuxième film, très très rapidement, il est signé Muriel Magellan avec Sarah Girardot, notamment La Page Blanche, une adaptation libre d'une bande dessinée du même nom. Pénélope Gailleux, c'était elle qui l'avait écrit, paru aux éditions Delcourt. Le film raconte l'histoire d'Héloïse, seule sur un mont parisien. Qui est-elle? Que fait-elle? Elle ne se souvient de rien et se lance donc en pleine enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Voilà, j'ai réussi, comme promis, à vous présenter deux films supplémentaires. Tout cela est à retrouver en salle ce mercredi, bien sûr. La case du week-end. Qui se termine déjà, malheureusement. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec quelques surprises. Normalement, la semaine prochaine, je ne serai pas seul. Je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne rentrée peut-être à tous. Et voici le Radio Journal de RFI. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.